Lexique. Moyens de transport et circulation. Page 73. Activité 5. Écoutez et lisez ces opinions de citadins mécontents, puis répondez aux questions.